Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledin. Un peu de chanson et d'accordéon, il est venu le temps du rêve. Place à la passion, teintée d'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours, jour après jour. Bonjour à toutes et à tous, l'émission s'intitule Danser maintenant et c'est ce qu'on va faire maintenant. Sur des ritournelles, refrains éternels, on s'amuse, on rit et l'on danse. Comme une aquarelle, la vie est si belle qu'on se dit qu'on a de la chance. C'est la danse qui vous donnera le la et le tempo. Bravo! À présent, voici le show. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je serai seul pour présenter cette émission puisque Christophe est occupé, Arlette aussi, mais ils reviendront bien sûr très très vite. Allez, c'est parti pour une heure de plaisir, de danse, de chansons françaises et vous êtes encore les bienvenus. Dansez maintenant! Dansez maintenant! Alors bien évidemment, je vous emmène danser, mais dans un endroit un peu particulier, ce sera aujourd'hui dans une forêt. On va commencer avec une jolie valse de Monsieur Hubert Favre Bonvin. Voici donc cette valse qui s'intitule « Au pied du vieux sapin ». Je me souviens encore de cette ritournelle qui sans aucun effort nous a fait la vie belle. Nous dansions tous les deux amoureux dans un bal si joyeux que tu m'as dit je crois que je t'aime. Nous nous sommes enfuis comme deux hirondelles. C'est comme ça dans la vie quand l'amour vous appelle. Nous dansions lentement, tendrement comme le font les amants quand ils veulent se donner du bon temps. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on s'est aimé sous cet arbre-là. C'est le destin qui l'a voulu, tant mieux pour moi. C'est au pied de ce vieux sapin que nous nous sommes rencontrés. On a valsé jusqu'au matin, au plein milieu de la forêt. Les oiseaux ont chanté pour nous la chanson que l'on préférait. Au pied du vieux sapin où l'on s'est aimé. Les années ont passé, pourtant je me rappelle combien l'on s'est aimé sur cette ritournelle. Le goût de tes baisers m'est resté là pour l'éternité, bien caché dans mon cœur de bohème. Je revois tes doux yeux, les trésors qu'ils dévoilent, instant si merveilleux à toucher les étoiles. Qu'importe les chemins que l'on prend, la vie change et souvent on dit que tout passe avec le temps. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on s'est aimé sous cet arbre-là. C'est le destin qui l'a voulu, tant mieux pour moi. C'est au pied de ce vieux sapin que nous nous sommes rencontrés. On a valsé jusqu'au matin, au plein milieu de la forêt. Les oiseaux ont chanté pour nous la chanson que l'on préférait. Au pied du vieux sapin où l'on s'est aimé. Ha ha ha. c'était né sous cet arbre-là. C'est le destin qu'il a voulu, tant mieux pour moi. C'est au pied de ce vieux sapin que nous nous sommes rencontrés. On a valsé jusqu'au matin, au plein milieu de la forêt. Les oiseaux ont chanté pour nous la chanson que l'on préférait. Au pied du vieux sapin où l'on s'est aimé. Au pied du vieux sapin où l'on s'est aimé. Alors une petite tyrolienne tranquille, un boléro tyrolien, avec deux amis qui vont interpréter ce joli boléro. Voici Cyril et Virginie et le mal du pays. Après avoir fait la la la Heidi, on va faire la la la tout simplement. Il est dans tous les cœurs, toutes les jolies chansons, c'est la vie le bonheur. Et j'en ai des frissons. La magie du destin, un merveilleux chemin, une danse à baiser, une vie partagée. Chantons l'amour, chantons-le chaque jour, dès le lever du jour. Chantons l'amour, et chantons-le toujours, oui, chantons-le toujours. Qui réchauffe le cœur, un sentiment étrange, si fort que rien n'arrête. L'auréole d'un ange se pose sur nos têtes. Chantons l'amour, chantons-le chaque jour, dès le lever du jour. Chantons l'amour, et chantons-le toujours, oui, chantons-le toujours. Maintenant, sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. Et alors, juste pour le plaisir, on va danser maintenant une samba. Allez, c'est le générique d'une émission télévisée, hein. Ça s'appelle 1, 2, 3 guinguette, 1, 2, 3 musette. Musette. âme, on ne pense plus à nos problèmes. Un, deux, trois, guinguettes chantent les amourettes dans toutes les régions. Accordéon, le cœur en goguette, c'est toujours la fête, tout près de Charenton. Enlacés au bord de la Seine, on ne pense plus à nos problèmes. Un, deux, trois, guinguettes chantent les amourettes dans toutes les régions. La fête, c'est moi qui tiens la barre. Et ça balance, et ça balance. Mais pas de panique, c'est pas le Titanic. Et ça balance, et ça balance. Mais pas de panique, c'est pas le Titanic. Sur mon bateau, on est cool, même quand y a de la houle. Avec les amis matelots, c'est la fête au bistrot. On entend les tonnerres, le vent souffle très fort, mais tenez bien vos verres et chantez encore plus fort. Et ça balance, et ça balance. Mais pas de panique, c'est pas le Titanic. Et ça balance, et ça balance. Mais pas de panique, c'est pas le Titanic. Ah, ça balance pas mal quand même. Voici une très très jolie valse. Espoir. Il n'y a pas si longtemps, je vous ai emmené faire un petit tour à la Clusaz. Voici maintenant un autre petit tour dans ma région. Voici un été au Villard. Un clocher, une croix, planté tout en haut du mont Lachat. Un sommet d'où l'on voit bien plus que ça. Un sentier qui s'égare, où je me promenais par hasard, en passant un été au Villard. Les arbres fruitiers éparpillés sur tes versants font ta renommée depuis la nuit des temps. On aime à flâner à l'ombre de tes sapins verts, au cœur d'un été rayonnant de lumière. Une forêt comme rempart où l'on peut, à l'abri des regards, s'embrasser un été au Villard. Une cascade, une chapelle, un orgue d'église qui nous appelle. La nature nous murmure et nous révèle. Des sapins, des faillards, paysages qui nous accaparent. Rejoins-moi un été au Villard. Tu découvriras ce village si merveilleux en écoutant le patois de ses aïeux. À la Saint-Laurent, tout près du four, nous serons bien. Nous y goûterons la saveur de son pain. Et s'il est un peu tard, je retarderai bien mon départ pour t'aimer tout l'été au Villard. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. C'est un enregistrement assez ancien de 1962, voici Caminito. Thank you. furent si vantées. Cette belle autrichienne était vraiment charmée. Tyroli, tyrolienne, elle en redemandait. Le tyrolien chantait. Allez, après ce petit air un peu country, voici le vrai mambo. Cette fois-ci, ça date de 1953. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus moderne, hein, on va dire. Après ce mambo de 1953, voici une danse qui s'intitule « La fiesta dans l'air ». Alors, il y a de la fiesta, il y a un peu un petit mélange avec le kuduro, avec le disco. Mais je vous laisse danser et je me tais. Les mains Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledan. Allez, je vous emmène en Alsace, voici Printemps d'Alsace. Allez, on danse cette fois-ci le Paso Doble, Fleur de Séville. We'll be right back. sûr, c'est maintenant. Sur Sorgière FM, Hubert Ledent. On retrouve maintenant Cédric Després à l'accordéon avec un soleil particulier, c'est le soleil bavarois que vous allez écouter. C'est une composition de Cédric Després avec Damien Poyard, mon copain. Alors on l'écoute tout de suite, ce soleil bavarois avec Cédric Després. Ferme les yeux. pense à nous. Si l'on s'inventait un pays, si l'on réinventait la vie, faisons l'amour. C'est moi l'enfant, celui qui court en plein soleil. Oublie-toi, pense à nous. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Le Dent. On retrouve Arlette. C'est aujourd'hui que la fête au village, à midi, doit commencer. La joie des autres garçons de son âge fait mal aux pauvres bergers. Son cœur est amoureux de la couleur des cieux, de ses blanches montagnes, de sa si joli. Son cœur est amoureux des attraits de sa blonde aux yeux bleus. Pendant ce temps, une jolie fillette souffre aussi du mal d'aimer, en délaissant les échos de la fête, aux étoiles s'en va rêver. Son cœur est amoureux de la couleur des cieux, de ses blanches montagnes, de sa jolie campagne, de ses vertes prairies, de ses lacs si jolis. Son cœur est amoureux, amoureux du berger aux yeux bleus. Dieu veut parfois que la vie soit bien faite, il le voulut ce jour-là. Le berger osa dire à la fillette ce qu'elle-même lui avoua. Ton cœur est amoureux, amoureux de tes yeux, je t'aime. Allez, un petit peu de douceur avec l'orchestre d'Alain Morisot, Santorin, et puis juste après, on se dira au revoir pour aujourd'hui.